Bonjour tout le monde et un grand merci à Valkan et donc à Dice and Declic de continuer l'aventure du Frankenstein Podcast. Alors, comme ma voix doit être inconnue de tout le monde ou presque, je me permets de me présenter. Je suis Allegas, alias Alexandre, joueur AMJ depuis une bonne dizaine d'années maintenant, grand consommateur de podcasts et de let's play sur le jeu de rôle. N'étant pas habitué à m'enregistrer ou à parler devant un ordinateur, je vous prie de m'excuser si ce n'est pas parfait, je vais tâcher de faire au mieux. Si je me permets de prendre aujourd'hui la parole, c'est pour répondre, ou du moins donner ma réponse à la question posée, le MJ est-il un joueur comme un autre? Alors moi, cette question me parle beaucoup, car je suis très souvent du côté non coloré du paravent. Et ça fait écho dans ma tête avec peut-être une des seules problématiques de mes cours de philo dont j'arrive encore à me souvenir. Le bac est loin, très loin maintenant. C'était « L'homme est-il un animal, ou plus qu'un animal ?» Et je pense que la réponse de l'époque peut tout à fait s'adapter ici. En effet, le MJ est un joueur comme les autres. Après tout, comme tout le monde à la table, il partage les mêmes attentes, les mêmes envies. Celles-ci sont facilement repérables. Passer un bon moment, prendre du plaisir au récit, et se laisser porter par celui-ci. Comme tout autre joueur, on sait que le MJ va s'être bien amusé quand il s'est pris d'un affectif pour les protagonistes, que ce soit les personnages joueurs ou les personnages non-joueurs qu'il va incarner. Après tout, on dit que le MJ doit être fan des personnages joueurs, et on dit que les joueurs prennent du plaisir quand ils sont fans des personnages non-joueurs. Aussi, ne sont-ils pas pareils à être fans des uns et des autres? Mais tout comme l'homme est plus qu'un animal, car il a conscience de sa mort, le MJ est plus qu'un joueur, car il a conscience de la fin du scénario. Car à mon sens, même le MJ, avec le plus grand sens de l'improvisation, sait où il veut aller, même si la partie peut prendre des lacets et des détours au gré des décisions des joueurs. Aussi, le MJ est plus qu'un joueur, car il a moins qu'un joueur, perdant du fait de son statut une grande partie du plaisir de la découverte, car connaissant à l'avance les tenants et les aboutissants du scénario ou de la campagne. De plus, du moins dans le jeu de rôle classique, le joueur MJ a des fonctions régaliennes. En effet, il est à la fois l'adversité, le monde, le gardien des règles et l'arbitre. Si ce sont les actions des joueurs qui vont donner vie au monde, en interloquant le PNJ lambda et en prenant fait et cause pour lui, en décidant de la marche à suivre et des lieux à explorer, c'est le MJ qui va mettre en scène les éléments dans le cadre qu'il a créé ou qu'il s'est approprié par le biais des livres. Enfin, d'un certain côté, les autres joueurs vont en grande partie se reposer sur le MJ pour assurer la réussite de la table. Entre celui qui veut de l'action, celui qui veut du roleplay, voire du drama, l'autre qui veut de l'exploration, et le dernier qui veut de l'enquête. Le MJ doit cristalliser les attentes de la table, ainsi que les siennes, en un ensemble cohérent. Mais pour autant, est-ce quelque chose de figé? Sincèrement, je pense que non. Avec les PDF, les outils informatiques comme Roll20, et les applications mobiles qui se développent de plus en plus autour de la table, que ce soit pour gérer la fiche, les jets de dés, voire les deux en même temps, le MJ est de moins en moins le garant des règles. Les jeux propulsés par l'Apocalypse, et notamment The Sprawl à titre d'exemple, placent les joueurs plus que jamais dans la narration, voire dans la création même du monde, avec la création collaborative de la ville, de ses quartiers, et des corporations qui vont semer les enjeux et les couleurs du jeu. Et de plus en plus de jeux de rôle, qui n'en sont pas vraiment, comme le voulait dire l'idiome consacré, éclatent le rôle même du MJ pour répartir ses pouvoirs et fonctions entre les joueurs, montrant que le MJ est au final un joueur à la table tout aussi remplaçable que celui qui ramène les chips goût barbecue. Pour conclure, je dirais que non, le MJ n'est pas un joueur comme les autres, pour autant il en est un. Ce qui est dommageable, c'est que trop de personnes l'oublient, et ce des deux côtés du paravent. À l'image des débats qu'il y avait eu plus tôt dans l'année, où certains MJ s'étaient sentis offusqués car on leur demandait de payer leur place à certaines manifestations, alors qu'ils faisaient le sacrifice d'être MJ. MJ, ce n'est pas un sacrifice. C'est jouer, mais d'une autre manière. C'est être un joueur, oui, mais un joueur privilégié. Et c'est ce sentiment que je ressens à chaque partie, et sur lequel je vais vous laisser pour aller écouter les réponses de mes petits copains. Aussi, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.